Continent Science, Stéphane Delisgeorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de cette semaine tout à fait spéciale, et qui est intitulé « Idée virgule savoir 2. La relève », et tout le monde y passe d'une certaine façon, en tout cas c'est une question qui est posée à toute la série de Culture Science que nous ouvrons avec ce rendez-vous de Continent Science tous les lundis. C'est donc dans ce cadre que nous allons essayer de comprendre, de voir, d'estimer un certain nombre de champs à venir, d'objets à venir, peut-être de méthodologies qui se présenteront. Et pour cela, avec moi, une physicienne, Elisabeth Bouchot. Elle est directrice des études de l'ESPCI, on déclinera l'acronyme plus tard. Une biologiste, une neurobiologiste très exactement, qui s'appelle Claire Viard, et qui travaille à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, au CHU Pitié-Salpêtrière. C'est un grand centre, bien sûr, la Salpêtrière est un grand centre des études du cerveau. Et enfin, un physicien, Michael Benzinkem, qui lui est physicien dans la même école que Elisabeth Bouchot. Je donne pas les thèmes qu'ils développeront, puisque de toute façon ils sont dans une actualité, et l'un et l'autre, prometteuse et riche et grosse d'enseignements à venir. Mais nous allons respecter notre tradition habituelle, la chronique animalière. Cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens le poisson zèbre, alias Danio rerio, de la famille des Cyprididae. Et il se rencontre en Inde, au Népal, et dans les rizières et les petits cours d'eau. Il mesure de 4 à 5 cm de long et montre des teintes vives, métalliques et brillantes. 5 bandes, en général bleu d'acier, longitudinales, ornent son corps, sur toute sa longueur. Certains le désignent comme poisson pyjama, voire le bagnard, ce qui est totalement lui manquer de respect, je trouve. Le poisson zèbre possède aussi l'étonnante faculté de régénérer ses membres, et même ses yeux, et même son cœur, paraît-il. Le secret, eh bien, le poisson réveille des mécanismes endormis dans le stade embryonnaire, la régénération d'un membre perdu provoquant la réactivation de gènes inactifs depuis le moment de son développement. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Comme nous, les animaux et les plantes doivent se protéger, bien sûr, des effets néfastes du soleil, sous peine d'accuser un vieillissement solaire prématuré, des cancers de la peau, ainsi de suite. Et certains sont plus avantagés que d'autres, donc dotés d'un écran total naturel, si je puis dire. Jusqu'alors, les scientifiques, pensaient que les animaux, tels que les poissons, se procuraient ces molécules anti-UV grâce à leur alimentation. Or, les chercheurs américains ont montré que cette hypothèse n'était pas valable. Leur étude démontre que le poisson zèbre fabriquerait lui-même sa propre protéine anti-UV. Je vous donne pas l'acronyme de la protéine, c'est abominable. Et qu'il ne serait peut-être pas le seul animal vertébré, dans ce cas-là, à avoir cette capacité. Les algues, les coraux et certains invertébrés fabriquent leurs molécules anti-UV appelées MAA-S grâce à 3 enzymes spécifiques. Et en théorie, ce n'est pas le cas, chez les vertébrés encore une fois. Pourtant, ces chercheurs ont trouvé chez le poisson zèbre un gène responsable de la synthèse d'une enzyme similaire. Ils ont démontré expérimentalement que l'animal était capable de produire ce fameux gaduzol, une molécule productrice d'anti-UV distincte des MAA-S. Une molécule historique, puisque c'est la première fois qu'on observe la biosynthèse de cette molécule. D'après leurs observations, les gènes entrant dans la fabrication du gaduzol était déjà présent chez les embryons, infirmant donc, évidemment, la fameuse théorie de l'alimentation. Ces biologistes ont ensuite cherché si d'autres espèces possédaient, elles aussi, ce gène responsable de la production du gaduzol. Et, surprise, il est également présent chez les amphibiens, bon, les reptiles et les oiseaux. Fabriquent-ils alors, eux aussi, leur écran total personnel? Les chercheurs n'en savent rien pour l'instant. Ils ignorent, en outre, si le gadusol a d'autres propriétés intéressante en dehors de sa capacité protectrice. Reste, attention, que la découverte de la biosynthèse du gadusol pourrait fortement se révéler intéressante pour la terrible industrie des cosmétiques et la fabrication des futures crèmes, tout naturellement anti-solaires. Bonjour Elisabeth Mouchot. Bonjour. Vous moquez de moi? Non, j'ai beaucoup apprécié la chronique animalière. J'ai trouvé que c'était très, vous très avez intéressant. Vu, en tout cas, à l'ordinaire, je la rallie pas. C'est, d'une certaine façon, je l'ai choisi pour vous. Bonjour Claire Via. Bonjour. Hein? Oui. Est-ce que vous le saviez? Merci, non, j'ai appris quelque chose. Oh, alors là, je suis content de moi. Alors. Bon, c'est très très récent. Hein. C'est très récent. Et vous voyez, hein, c'est tout à fait étonnant. Non, concernant votre poisson préféré, le fait qu'il régénère, ça, vous le saviez? Bien sûr. Ça, c'est extraordinaire. Oui, après, ça fait bon. C'est formidable. Voilà. Ouais. Bonjour, Michael Benzakem. Bonjour. Alors, vous n'étiez pas, vous plongez du tout dans les histoires? Absolument pas, j'ai tout appris. Les ultraviolets naturels ou pas? Alors, pour vous définir rapidement, vous êtes Elisabeth Mouchot, directrice physicienne à l'origine, bien sûr, et toujours physicienne, et vous êtes directrice d'études. Est-ce que on peut définir deux choses? D'abord, votre fonction dans cette école, et aussi la spécificité, d'une certaine manière, de cette école, parce que de mon point de vue, je n'ai pas choisi cette école au hasard pour essayer de jouer à ce jeu pronostique. Qu'est-ce qu'on peut repérer comme grand domaine à venir? Parce que je connais le spécifique de cette école et de ces types de curiosités. Et surtout, vous êtes à un poste où vous voyez peut-être des choses différentes du directeur de cette école. Et vous m'avez aidé en choisissant les deux autres invités. Une biologiste et un physicien. Alors, qu'est-ce qu'à dire que la directrice des études? La directrice des études, essentiellement, son rôle est de réfléchir à la question suivante. Quels sont les ingénieurs que, dans 4 ans, on a envie de voir arriver sur le marché, entre guillemets, dans l'industrie ou dans la recherche? Donc, c'est véritablement ma fonction de réfléchir à ces savoirs d'avenir. En tout cas, que faut-il enseigner aujourd'hui pour que les ingénieurs qui seront diplômés dans 4 ans aient le savoir nécessaire aux besoins de l'industrie et de la recherche dans 4 ans? D'accord. Alors, les spécificités de cette école, elles sont multiples, mais je vais en prendre une qui me paraît importante et pertinente dans le cadre de votre question, c'est la multidisciplinarité. Oui. Alors bien sûr, ça peut sembler un petit peu une chose triviale. Aujourd'hui, on parle beaucoup de multidisciplinarité. Je crois que dans cette école, c'est une réalité. On y a toujours enseigné depuis sa création la physique et la chimie. Et puis, depuis que Pierre-Gilles Degenne en a été le directeur, oui, s'y est ajoutée la biologie. Or, moi, je crois très profondément que les innovations, le savoir nouveau va émerger essentiellement aux interfaces entre les disciplines. C'est pas une pluridisciplinarité imposée, mais elle jaillit d'elle-même. On a besoin du mathématicien si on a des calculs de probabilité, de manier des statistiques, des grands nombres, ainsi de suite. On pourrait multiplier les exemples. C'est spontanément que l'objet d'étude amène à ça. Absolument. Et si on pense, je vais vous dire une des choses que j'ai faites dans cette école, par exemple, j'ai créé en 3e année, donc il y a 2 ans de tronc commun, où on étudie physique, chimie et biologie, et j'ai créé en 3e année une nouvelle filière qui s'appelle biotechnologie, parce que je crois fermement que les avancées dont on a besoin dans le domaine de la santé, qui est évidemment un domaine important, vont bénéficier de l'apport de gens qui connaissent très bien la physique et très bien la chimie. Oui. On peut peut-être faire cette remarque puisque j'ai rencontré Pierre-Gilles de Gennes et à l'époque où il était à l'école normale, il y avait, pour ceux qui faisaient maths et physique, à l'époque encore, ça n'existe plus, la possibilité de faire biologie, de faire aussi des unités où, et donc il a été très intéressé par la biologie. Il a été très déçu qu'on arrête. Et en particulier, on pourrait prendre simplement un des jouets qu'il a pu avoir. Je pense au latex et tout ce qu'il a pu en faire. Évidemment, c'est quelque chose qui est éminemment biologique, puisque c'est quelque chose qui sourdre d'un arbre. Donc, c'est d'une certaine manière, là encore... Bon, on pourrait remonter, évidemment, parce qu'on a parlé de Pierre-Gilles de Gennes, mais c'est une école qui remonte à longtemps, parce que c'est... grands ancêtres. Allez, on en dit quand même un ou deux, hein, parce que... On peut évidemment... On peut pas rater les Curie, Pierre, ouais, et Marie Curie, bien entendu. On peut aussi parler de Langevin, ouais, et là, ça m'amène en fait à une seconde spécificité de cette école, sur laquelle, si vous le souhaitez, nous pourrons revenir plus tard, qui est qu'on y fait de la très bonne recherche très fondamentale, c'est ça, mais on s'intéresse aussi depuis toujours aux applications. Or, Paul Langevin, qui a beaucoup, beaucoup contribué à la physique théorique, oui, donc très grand chercheur fondamental, est aussi, par exemple, l'inventeur du sonar. Oui. Et ça, c'est très emblématique de l'ESPCI, oui, qui la rend... Donc ESPCI, École Supérieure de Physique et Chimie Industrielle, puisque je n'avais, oui, pas donné l'acronyme. Voilà. Et Langevin, en plus, c'est celui qui fait venir Albert Einstein à Paris, à l'époque où, même dans la communauté scientifique, on disait à ces Allemands, c'est sale boche, c'est quoi. Et d'ailleurs, il s'est... à sa venue, donc, il a eu comme... comme critique, le dit tonton Albert, si je puis dire, des commentaires qui étaient franchement antisémites. C'est-à-dire qu'on l'a décrit comme on décrivait Spinoza, avec le teint olivâtre hein, en particulier. Passons. Ça, c'est, mais après tout, on peut rappeler quand même la chose. Et en tout cas aussi, une des caractéristiques que vous m'avez apprises, Elisabeth Bouchot, c'est que il y a 70% de ces élèves de l'école qui ont une thèse. Oui, alors ça, c'est aussi une caractéristique importante de notre école, c'est que, je vais vous donner deux chiffres, 70%, oui, comme vous le dites, d'étudiants de l'ESPCI font une thèse de doctorat, et 80% de ces étudiants, de ces mêmes étudiants, oui, rentrent dans l'industrie. Oui. Et on pourrait définir finalement l'enseignement à l'ESPCI de la façon suivante, nous formons par la recherche des ingénieurs pour l'industrie. Et je crois que c'est extrêmement important et c'est tout à fait particulier dans le paysage des grandes écoles françaises. Oui. Alors, on va commencer par poursuivre par des questions de généralité. Et là, je vais vous demander, d'ailleurs, je vais vous le demander à tous, et le jeu est risqué. Alors, je proposerai, moi, un certain nombre de petites idées, mais elles sont très banales, d'une certaine façon, pour savoir quels vont être les gros lieux de développement ou les axes disciplinaires où les choses vont avancer. Mais il y a une première inquiétude pour l'avenir. Là, c'est pas quelles vont être les idées nouvelles, qu'elle va être... Bon, il y a une inquiétude, en tout cas, dont je me fais le relais, et qui peut peut-être venir contrarier ce que vous venez de dire, Elisabeth Bouchot. C'est que il y a beaucoup de chercheurs fondamentaux qui font de la recherche académique qui craignent que de plus en plus ce soit l'aval, l'amont étant la recherche fondamentale, qui essaye de diriger la recherche fondamentale. Et ça se voit en particulier dans un des derniers entretiens entre un grand capitaine d'industrie, certainement Annick Semine, j'ai oublié, et l'actuel directeur du CNRS, où il y en avait, allez, bon, modérons la chose, mais il y en avait beaucoup, beaucoup pour la recherche finalisée. Inquiétude là-dessus, Elisabeth Bouchot, ou pas ? Oui, inquiétude, oui et non. C'est-à-dire que je trouverais complètement absurde que l'aval pilote la recherche académique. Ça me paraît vain. La recherche académique a besoin de liberté, on le sait tous, et les grandes découvertes ne sont pas incrémentales, mais ce sont des ruptures qui ne peuvent provenir que de la recherche fondamentale. Ceci dit, je vais mettre un bémol. Donc, pilotage par Laval, à mon avis, une erreur. En revanche, que la recherche fondamentale soit attentive aux applications possibles, je crois que ça, c'est une chose qui aussi est développée à l'ESPCI d'une certaine façon. Je vais vous dire, à l'ESPCI, les chercheurs qui sont les meilleurs chercheurs dans leur domaine fondamental sont aussi ceux qui ont le plus de brevets, qui déposent le plus de brevets. Ah oui, donc ça n'est pas antinomique. Oui. Mais il faut évidemment laisser la liberté de chercher, la liberté intellectuelle, et donner les moyens. Oui. Comme exemple paradigmatique, on va quand même répéter que si les physiciens qui s'occupaient d'un certain type de l'état de certains spins, hein, et qui s'occupaient de magnétisme intense et jouaient à ordonner ces petites choses, ben on n'aurait pas l'IRM. Il a fallu que quelqu'un fasse la jointure entre ces découvertes physiques fondamentales et un médecin, en se disant, bah tiens, et on va avoir un modèle invasif, d'ailleurs, non-invasif, pardon. D'ailleurs, là, ça va nous faire un pont, évidemment, par rapport à son travail. Mais je continue quand même. Ma petite liste, à la limite, pendant 5 minutes, vous allez pratiquement répondre par oui ou non, je pense, d'une certaine façon. Bon, à l'évidence, et parce que la curiosité, la curiosité fondamentale reste la même, c'est savoir comment est fait l'univers. Donc on peut regarder du côté du macroscopique comme on peut regarder du microscopique. Donc on peut être absolument sûr que la physique des hautes énergies, avec l'illustration par exemple des bosons de Higgs qui d'un seul coup nous permettent de comprendre le mécanisme qui permet au corps de prendre une masse, quelque chose. Donc on peut être sûr que cosmologie et physique des particules vont aller main dans la main encore de façon forte, non? À moins que des mésaventures financières comme le Thermatron aux États-Unis fait qu'on arrête le CERN. Elisabeth Bouchot. Là, pas plus oui, de commentaires. Pas plus de commentaires. Je pense que vous avez parfaitement raison sur ce pronostic. Concernant la physique dont vous vous êtes occupé, grosso modo, je l'arrange sous l'intitulé de physique, allez, mésoscopique. Hein, on peut dire ça. Quelque chose qui est un peu intermédiaire, donc, entre le micro et le macro. Là, vous voyez les lignes de force, ou parce que vous êtes beaucoup occupé de mouillage. Dernier exemple, confirmation. On vient d'apprendre, hier ou avant-hier, que un physicien qui s'appelle Leibler a eu le prix de l'année pour la meilleure application. Or, quand vous m'en avez parlé, vous m'avez dit que c'était un puissant théoricien. Donc, dans votre domaine à vous, disons dans le panorama global de la mésoscopique, les tendances. Oui, je crois que l'école, l'adhésif, quoi. L'exemple de Ludwig Leibler est excellent parce que c'est quelqu'un qui est effectivement un physicien de très haute volée, qui a compris les mécanismes de l'adhésion et qui vient donc de créer ce que j'ai envie d'appeler une colle à recoller les vivants. À coller les gens, ce qui va être un énorme progrès dans bien des domaines de la médecine. Et oui, en chirurgie. C'est extrêmement important. Là, on n'oublie pas une aiguille, quoi. Non, là, absolument. Hein, et ça colle bien. Je peux vous poser la question, Michael Benzakem aussi, puisque après on va passer à la biologie, mais cette fois je vais solliciter Claire Ouillard. Est-ce que... qu'est-ce que vous voyez dans... Parce que vous aussi, vous êtes intéressé, on va voir sur la fin de l'exemple, les ménisques, des petits trucs, là, vous aimez bien, hein, donc, enfin bref. Alors, de mon côté, donc ça fait moins longtemps que je suis aussi dans la recherche, donc j'ai peut-être moins d'expérience pour m'exprimer, mais je pense qu'on assiste véritablement aujourd'hui à une explosion des données. C'est-à-dire, il existe aujourd'hui des banques de données... qui sont accessibles à tous, surtout. On a plus de données qu'on ne sait en traiter. Et donc, on aura l'occasion tout à l'heure, je crois bien, de l'illustrer sur un exemple concret. Oui. Mais on assiste de plus en plus vraiment à une nouvelle manière de faire de la science, venant du nombre de ces données, et aussi de l'accès, du libre accès de ces données à tous. Oui. Un exemple très rapide, peut-être. Les données de la NASA sont accessibles à tous. Vous les trouvez sur leur site internet et des données de gravitométrie, par exemple, permettent aux océanographes, aux spécialistes en hydrologie de cueillir ces données, de faire leurs recherches sans avoir d'autres obstacles. C'est ça, voilà. Immense bibliothèque et qui joue alors elle de façon absolument virtuelle de la pluridisciplinarité puisque le champ de gravité fonctionne pour énormément de disciplines qui sont grosso modo sous l'intitulé général de climatologie. Absolument. Et puis donc vous évoquiez tout à l'heure l'exemple de l'IRM. Oui. Mais j'en ai aussi un autre tant que nous parlons de satellites. Oui. L'exemple du GPS par exemple. Prenez le GPS. Sans la relativité restreinte d'une part en 1905, la relativité générale aussi parce que ces satellites se trouvent dans un champ de pesanteur, et la physique atomique, c'est-à-dire si on n'avait pas des horloges atomiques, il n'y aurait pas de GPS. Et aujourd'hui, tout le monde a un GPS, même dans le téléphone portable. Et oui. Le moins cher du marché. Donc. Et oui, merci Albert Einstein pour deux voix, avec effectivement la relativité restreinte et la théorie qui marche, l'une des deux grandes théories cadres qui est donc la gravitation. France Culture, Continent Science, Stéphane Delisgeorges. Suite donc de nos investigations pour essayer de voir les tendances, les idées nouvelles, et toujours en compagnie d'Elisabeth Bouchaud, de Claire Viard et de Michael Benzakem. Claire Viard, moi je me suis amusé, alors vous allez peut-être immédiatement me compléter, contrarier, mais évidemment le travail sur la génétique va continuer. L'évidence sur la génomique, ça va continuer, il n'y a pas de raison là. Ça désigne pas des grandes nouvelles. En revanche, est-ce que, parce que je suis assez fasciné par une discipline comme l'évo-dévo, parce que elle regarde l'actuel, elle regarde ces gènes tellement étranges qui pour moi sont une sorte de grande révolution de la biologie au XXe siècle, c'est-à-dire les gènes de développement, les gènes MET, les gènes OX qui commandent le fait qu'on ait une droite, une gauche, un dos et un ventre, ainsi de suite. J'ai mis ça comme c'est, vous avez développement. Raison, ouais, c'est une des disciplines qui est très très importante et qui a finalement une chance de renouveau avec le fait qu'on puisse à nouveau analyser de manière beaucoup plus quantitative la génétique des espèces et comprendre du coup comment faire le lien entre leur développement et puis l'évolution des espèces en particulier chez les vertébrés. Oui. Et il y a en France beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine et qui font des contributions importantes, souvent en reprenant des approches dans le chercher de nouvelles espèces dans différents lieux, environnements, et en essayant de comprendre effectivement comment se fait la diversification de ces espèces et comment est-ce qu'on arrive à finalement disséquer de manière maintenant quantitative la génétique qui se faisait autrefois de manière plus restreinte. C'est une des applications importantes du développement des données quantitatives en biologie, effectivement. Et là, on voit le lien aussi possible avec la régénération de la perte d'un membre ou d'un tissu abîmé chez votre poisson préféré. Et évidemment, tout ce qui se fait aujourd'hui par rapport aux gènes de développement, aux cellules pluripotentes, ainsi de suite, quoi, qu'on reprogramme aussi. Tout à fait. En fait, il y a un concept qui émerge de plus en plus, c'est qu'effectivement, le développement est critique pour réussir à comprendre le système fini. Moi, je travaille dans les neurosciences, mais pour comprendre le cerveau et la moelle épinière, il faut comprendre comment est-ce qu'ils se sont formés. Oui. Et de la même façon, en fait, on comprend que dans des cas de traumatisme, de lésion, pour la réparer, il faut aussi en fait comprendre le développement parce que des programmes se mettent en place qui sont des programmes qui rappellent en fait ce qui s'est passé lors du développement. Et du coup, on peut essayer de manipuler les mécanismes qui ont lieu pour faciliter et empêcher l'inhibition qui a lieu en particulier chez les mammifères et qui empêche la régénération du système nerveux. Oui. Vous avez un sentiment précis sur la biologie de synthèse que certains craignent, par exemple ? Non, je suis pas. Moi-même, je. Faudrait-il beaucoup... un moratoire ? Non. Comme moi, certains. Moi, j'ai beaucoup bénéficié de collaboration avec des chimistes en fait dans ma carrière parce que ça a vraiment été très utile de voir comment est-ce qu'on pouvait développer des outils nouveaux qui fassent en fait le lien entre la biologie et la chimie pour amener des composés chimiques et réussir à manipuler certains mécanismes in vivo en fait. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai pas d'action directe sur la biologie de synthèse. D'accord. Ouais. Alors là, petite aparté qui est purement biographique, mais vous l'avez souligné, vous m'avez dit que lorsque vous faisiez votre thèse, en particulier aux États-Unis, pendant 5 ans, vous avez été seul. Est-ce que vous aimiez, vous, c'était le travail en équipe? Donc, moi, j'aime beaucoup le travail en équipe. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'est très cher. Je pense que, surtout, effectivement, dans beaucoup de domaines, mais en biologie aujourd'hui, en fait, on a besoin de répondre à des questions avec beaucoup d'expertises différentes. Et on voit dans ce qu'on fait actuellement à l'ICM, en fait, on a besoin de mélanger des gens avec une expertise qui va être très génétique pour aller justement cibler les cellules qui nous intéressent. Et puis, on va avoir besoin de travailler avec des physiologistes qui vont tester les fonctions et comment est-ce que les neurones, par exemple, parlent entre eux. Oui, oui. Et on le couple aussi avec des gens qui vont étudier le comportement in fine. Et notre objectif, c'est de réussir à vraiment comprendre, au niveau de la science fondamentale, quel est le code neuronal qui permet de sous-tendre le comportement. Et pour faire ça aujourd'hui, il faut vraiment maîtriser plusieurs approches différentes. Et des gens différents, venus d'horizons différents, et qui donc s'entreprennent des choses et répondent selon leur expertise propre à une question que vous vous posez ou sur laquelle vous êtes innocente d'une certaine manière et réciproquement. Oui, oui, oui. On va bousculer notre déroulement d'ailleurs prévu parce qu'on va continuer avec vous et avec votre petit poisson, Clairviat. Première question, parce qu'elle est complètement dans les lignes directes d'une émission que nous avons fait il y a peu, c'était la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Est-ce que vous respectez, avec ce petit poisson transparent, et que vous utilisez pendant la période embryonnaire, hein, grosso modo, enfin en tout cas au premier stade de développement, jusqu'à 8 semaines, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ou 5 semaines. Moi-même, en fait, je travaille à un stade où le poisson, en fait, est encore entièrement autonome. Il se nourrit à partir de la réserve de nourriture que sa mère lui a laissée, en fait, dans l'œuf, avec la fécondation et qui se fait à l'extérieur de l'individu chez les poissons. Et du coup, en fait, il est à un stade très précoce, qui est un stade larvaire, où du coup, il n'est pas capable encore de se nourrir. Et ce qui est très important, c'est qu'effectivement, c'est important à nos yeux, en tant que chercheurs, de respecter la règle de réduction du nombre d'animaux sur lesquels on travaille. La règle des 3 R. La règle des 3 R, où on respecte effectivement cette règle très... Enfin, moi, je la renforce même... plus que ce qui nous est demandé par l'Europe, parce qu'en fait, pour faire du bon travail, on doit, en tant que chercheur, se poser effectivement la question de quel est le meilleur modèle pour réussir à comprendre un phénomène biologique, comment est-ce qu'on peut réduire le nombre d'animaux qui est utilisé, et comment est-ce qu'on va réussir à remplacer, quand c'est possible, par des expériences qui pourraient être faites directement, par exemple, chez l'homme, de manière non-invasive et sans atteindre la personne. Donc je pense que, en tant que scientifique et chercheur en biologie, je crois que c'est très important, effectivement, de développer cette réflexion et de voir quelle est la meilleure façon et la manière la plus limitée pour bénéficier des informations qu'on obtient chez les animaux et qu'on peut ensuite directement transférer à l'homme. À l'homme, oui. Alors, il faut quand même le répéter, hein, il y a donc les 3 R, c'est le remplacement, la réduction et le raffinement, avec comme volonté générale de trouver donc le moyen d'éliminer ou de réduire au maximum toute douleur qui peut être infligée à un animal. Et de plus en plus, il y a des gens, en particulier venus de l'Europe, et c'était le cas dans notre émission, qui essayent d'apprendre des techniques qui sont de pure alternatives, mais vraiment alternatives. Tout à fait. Oui, oui. C'est-à-dire qu'à Curie, maintenant, on arrive à faire des amas de cellules. Oui, tout à fait. On fait non seulement on dépasse le in vivo, qu'on essaye d'éviter, mais on fait de l'in vitro et voire du in silico, de plus en plus. Il y a énormément d'approches pour essayer soit de bénéficier des modèles in vitro, soit aussi de procéder de manière non-invasive chez l'animal, ce qui est possible, par exemple, dans le cas du poisson zèbre, où on a en fait un animal transparent au stade précoce. Et du coup, on peut utiliser des outils optiques pour aller sonder les réseaux de neurones. Allez, on rentre dans l'explication. Sans avoir besoin d'affecter la biologie de l'animal et de le faire souffrir. Donc en fait, je crois que ce qui est assez important de dire, c'est qu'on a quand même besoin aujourd'hui encore de faire l'expérimentation animale. Oui. On aimerait bien un jour que ça ne soit pas le cas, mais aujourd'hui, on a besoin de faire l'expérimentation animale. Et par contre, la raison pour laquelle on a besoin de faire ça, c'est qu'on trouve des gènes qui sont impliqués dans des pathologies. Donc si on parle des neurosciences, on trouve des gènes impliqués dans l'autisme, la schizophrénie... Parkinson, etc. Mais on ne connaît pas leurs fonctions. Et en fait, c'est vrai que ça nous aide énormément d'aller comprendre chez l'animal quelle est la fonction de ces gènes. Et par contre, c'est important de dire que l'animal n'est pas directement un modèle de maladie, puisqu'on n'aura jamais un modèle vraiment de schizophrénie chez un animal. Évidemment. Mais en revanche, il nous permet, et c'est même la seule façon vraiment de comprendre comment on va un jour réussir à avoir une thérapie adaptée chez des patients qui ont des mutations dans des gènes critiques pour ces... Oui. Ces pathologie-là. Alors, à regarder certains des clichés, je me suis dit, cette Claire Viard, elle a de la chance parce qu'elle a une IRM gratos, d'une certaine manière, il n'y a qu'à regarder avec un microscope. Voilà, c'est exactement ça. On met rien en place et on regarde. Alors, ouais. Est-ce qu'il y a des intrants? Est-ce que, par exemple, il y a des modifications génétiques qui sont apportées parfois, puisqu'on peut décrire, hein, il faut qu'ils deviennent, dans un premier temps, il faut qu'ils deviennent fluorescents. Voilà. Donc en fait, on utilise l'optique pour aller visualiser les neurones à l'intérieur de l'animal. Et après, en fait, on a des outils, on a développé dans les 10 dernières années des outils pour aller sonder l'activité des neurones, donc avec des sondes typiquement de fluorescence qui vont révéler l'activité des neurones. Et puis, on va aussi utiliser des canaux qui vont être activés par la lumière. On les exprime dans certains neurones et on va pouvoir comme ça tester le rôle directement des neurones dans le comportement en les activant ou en les inhibant. Mais dans toutes ces expériences-là, on est conscient et on fait très attention à ce que effectivement l'animal ne soit pas en souffrance et qu'elle respecte vraiment la biologie de l'animal. Étant voulant comprendre le comportement, en fait, on a vraiment besoin que tout se passe bien pour l'animal qui est le sujet de notre expérimentation, en fait. Alors c'est un animal, c'est un petit poisson, j'ai été très très étonné, on parle tout le temps des milliards de synapses dans le cerveau. Bon, il a 100 000 neurones, ce tout petit bonhomme si je puis dire. C'est une approximation un peu grossière, mais il y a effectivement 100 000 neurones à peu près dans le cerveau, et aussi 100 000 neurones dans la moelle épinière qui est la structure qui nous intéresse. Donc on est dans l'ordre du 200 000 neurones au total. On peut peut-être rappeler rapidement le principe, puisque vous avez jeté le mot, moelle épinière, c'est-à-dire que bien évidemment, il y a toujours une communication. Il suffit de penser à la décision motrice, par exemple, ou en tout cas à l'ordre moteur qui est donné évidemment par le cerveau, dans la plus grande généralité. Mais là, j'ai appris en regardant votre travail que les choses étaient plus fines que ça. Et qui donc va, d'un seul coup, permettre le geste. En fait, on a un biais, c'est marrant, mais en science, on a un biais un peu à regarder au niveau de la perception sensorielle et motrice, à regarder ce qui est fait consciemment par le cerveau. Et du coup, en fait, si on regarde ce qui a été étudié, en fait, on étudie beaucoup les sens qu'on perçoit consciemment, donc la vision, la commande motrice du cerveau. Moi, ce qui m'a intéressé toujours, c'est de regarder les sens qu'on ne percevait pas consciemment, en fait. Donc, par exemple, les odeurs, on est soumis, influencé beaucoup par les odeurs, et j'ai travaillé dans un post-doc dans le passé chez l'homme, sur la perception des odeurs non conscientes, en fait, qui nous manipulent beaucoup. Voilà. Et maintenant, en fait, dans le contrôle de la locomotion, on a l'idée que le cerveau dirige, que c'est le chef d'orchestre, en fait. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au sein de la moelle épinière, il y a des boucles sensorimotrices qui sont capables, elles aussi, de réactiver le mouvement. Et notre espoir, en fait, c'est de voir comment contrôler l'excitabilité de la moelle via ces boucles locales sensorimotrices, afin de récupérer des fonctions chez des individus qui souffrent soit de lésions de la moelle après un accident traumatique, soit chez des parkinsoniens aussi. Ce qui est très très, et là on le voit et on peut le comprendre, c'est-à-dire que s'il y a une rupture au niveau de la zone lombaire, c'est là qu'il va falloir aller réparer, parce qu'on peut pas imaginer, c'est ce que vous dites dans une de vos présentations, trouver la manière de faire repousser des neurones sur de longs centimètres, si je puis dire. C'est un des axes pour essayer de se réparer la moelle épinière qui a été beaucoup poussé pendant longtemps, de faire repousser les axones. Oui, c'est ça. Mais effectivement, il y a des approches alternatives qui sont vraiment, à mon avis, riches et qui donnent des premiers espoirs, en tout cas chez l'homme, qui sont plutôt de coupler une approche pharmacologique, on essaye d'augmenter l'excitabilité du circuit, avec une approche électrique qu'on va stimuler, sans trop savoir, en fait, en mettant une électrode en épidurale, on stimule la moelle, et puis on le couple avec un entraînement locomoteur, avec des kinés, des kinésithérapeutes, et ça, c'est vrai que la combinaison de ces trois approches, chez l'homme comme chez l'animal, donne les premiers espoirs de mouvement et de contrôle de la posture, en fait. D'accord. Donc on est encore loin de réussir à faire régénérer la moelle comme c'est le cas chez le poisson. Mais par contre, il y a des directions et qui demandent de faire une grande recherche fondamentale pour comprendre comment déclencher la locomotion plutôt que de déclencher la douleur, par exemple. Oui. Mais il y a une direction qui est intéressante dans cet axe-là, oui. Alors, petite parenthèse minuscule, c'est que, évidemment, sans arrêt, le cerveau commande des mouvements tout à fait réflexes ou continus, le battement du cœur, la déglutition, ainsi de suite. Alors, si en plus on rajoute maintenant le fait qu'on se rende compte qu'il y a de plus en plus de neurones à l'intérieur de l'estomac en particulier, tiens, on pense maintenant avec notre ventre, là, on voit s'expriment deux voies de recherche absolument magnifiques, et c'est pas fini, c'est surtout qu'on voit qu'il y a aussi une espèce de, entre guillemets, autonomie de la moelle épinière, qui n'est pas que seulement soumise au grand patron du cortex. Ouais. Il y a un axe de recherche qui, je crois, est en train vraiment de s'ouvrir, qui est effectivement de regarder dans quelle mesure les autres organes modulent l'activité du système nerveux, aussi bien au niveau du cerveau que de la moelle épinière. Et ça, c'est une des directions qui nous intéresse particulièrement, nous. Et une autre chercheuse qui s'appelait Catherine Talon-Baudry, qui était à l'ICM et qui est partie à l'ENS. Et c'est vrai que je pense que c'est une voie qui est très, très intéressante, parce qu'à nouveau, on n'a pas une idée consciente de ce phénomène-là, mais en fonction de notre état de satiété, en fonction de notre état de fatigue, de notre rythme circadien, beaucoup de fonctions vont être modifiées. Aussi notre état de santé, tout simplement. Donc beaucoup, beaucoup de fonctions sont modifiées au niveau du cerveau et sont soumises à une modulation qu'on connaît mal et qu'on est en train d'étudier. Elisabeth Bouchon, juste avant qu'on écoute les propositions musicales que va nous proposer Dany Journaud pour nous reposer le neurone, si on peut dire, ou les milliards de neurones, je vous voyais écouter avec beaucoup d'attention les propos de Claire Viard. Là, vous êtes intéressé, hein. Là aussi, c'est parce que c'est pas votre discipline du tout. C'est absolument pas ma discipline. Et ça vous fait rêver quand même, hein. Ouais, absolument. Ça, c'est, je trouve ça fascinant. S'il y a quelque chose qu'on a envie tous de comprendre, c'est bien le fonctionnement du cerveau. ברחתי למקום אחר כל כך מהר הכי רחוק שרק הצלחתי ואני בפריז האורות הולכים אפור ועננים אני שמחה וטוב לי אבל כל כך קר לי בפריז מסתובבת סחור וסחור בסמטאות קסומות מחושפות בולות אותי אני בפריז בניינים יפים אתם זקנים ואצילים כל כך אבל האם תחממו אותי בפריז קצת אשליה יפה שלי נסי תפוס אותי אני בפריז שוב הולכת לאיבוד חלום עצוב אני כבר מפורסמת ושומעים עליי כאן בפריז עכשיו הקול שלך לוחש לי מרחוק אני מתגעגע בואי תחזרי אליי כבר מפריז אני אוהב אותך אני אוהב אותך אני אוהב אותך אני אוהב אותך Voilà, sur cette voix de chanteuse qui dit Paris, on laissera deviner la langue, dans laquelle Gaël Naïm, et on laissera deviner la langue dans laquelle elle s'exprime, nous avons passé le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science sur les projections, les possibilités d'avenir, ainsi de suite. Je reviens et je me tourne vers vous à nouveau, Elisabeth Bouchot, pour vous poser une question. Qui va faire raccord certainement aussi avec la dernière. Bon, on voit qu'il y a une désaffection maintenant qui est repérée des vocations scientifiques, on en a moins. Et il faut dire que vous êtes une vraie physicienne, vous êtes une véritable chef de l'équipe des études. J'appuie sur la chose, mais vous êtes une théâtreuse aussi, hein, puisque vous avez pris en main un théâtre qui s'appelle le théâtre de la Reine Blanche, où on fait de la science en spectacle. Absolument. Alors, En fait, il est vrai qu'à l'ESPCI, j'ai moins à me poser le problème de la désaffection des sciences, puisque j'ai des étudiants qui sont extrêmement motivés, extrêmement brillants et en général passionnés par les sciences. Mais en tant que citoyenne, je suis évidemment très très inquiète de la désaffection des sciences. Et le théâtre de la Reine Blanche, que je dirige depuis un peu plus d'un an maintenant, oui. Se veut scène des arts et des sciences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, j'ai envie d'y montrer de la science qui puisse attirer les jeunes, voire les très jeunes. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'on parlait de bulbe olfactif et oui. la semaine de la science qui aura lieu au Théâtre de la Reine Blanche en septembre prochain va commencer par un spectacle de clowns pour enfants qui s'appelle « Les clowns parlent du nez ». Voilà, sur l'explication de l'olfaction, mais pour les tout-petits. Et je pense qu'il faut donner cette image de la science. Il faut donner l'image d'une science qui est joyeuse parce qu'au fond, on est très heureux dans les laboratoires. C'est ça. Il y a une joie de la découverte, il y a une joie de la recherche, une excitation permanente. Je pense qu'on ne communique pas suffisamment là-dessus et qu'au fond, les gens, les enfants relativement jeunes à qui on a dit « t'es pas bon en maths, c'est pas la peine de continuer », se sentent exclus de la science. Or, je pense qu'il y a différentes formes de talents scientifiques et que il ne faut pas se priver de ces talents qui sont peut-être des gens qui sont un petit peu moins doués dans tout ce calculateur qui est formalisme. Ou enfin, oui, c'est ça, oui. Voilà. Oui. Et donc j'ai voulu en fait vraiment au Théâtre de la Reine Blanche mettre la science sur une scène. Parce que la scène est le lieu des émotions. Et peut faire plaisir, vous m'avez dit souvent. Et peut faire plaisir. Parce que vous dites deux choses. Le chercheur, vous me l'avez dit pour vous, Elisabeth Bouchot, que vous avez été successivement peut-être amoureuse de chacun des objets de recherche que vous avez amenés. Mais absolument, absolument, je pense. Et qu'il y avait un grand plaisir d'aller voir comment c'était foutu en dessous. Il y a un grand plaisir, il y a un lien affectif très fort avec l'objet de nos recherches. Et je crois que c'est vrai pour beaucoup de chercheurs. Enfin, Claire et Michael pourront, je pense, dire la même chose. Nous sommes tous très fortement liés affectivement à l'objet de nos recherches. Et ça, il faut le dire et le montrer. Alors, il va le dire tout de suite, puisque de toute façon, autrement, on va se retrouver à la portion congrue et des plaisirs de la compréhension. Il y en a dans l'exemple que va mobiliser maintenant pour nous, Michael Benzakhem. J'avance la chose qui s'appelle le sillage. Bon, un canard qui navigue sur l'eau très très gentiment, ou un pédalo, une barque, eh bien, font des sillages. Oui. Et puis, il y a une chose qui est tout à fait étonnante, pour gagner du temps, parce qu'après vous allez rentrer dans les explications fines, bien sûr, Michael Enzakem. Kelvin, qui aimait les bateaux, qui aimait naviguer, qui n'aimait pas beaucoup les femmes, il est caractérisé comme un macho déclaré, il n'est pas le seul, Feynman aussi, on pourrait en rajouter d'autres, en tout cas, avait observé qu'il y avait toujours le même angle, que ce soit un pédalo, un petit canot, un petit canard, et que cet angle faisait grosso modo 49 degrés. Tout à fait, c'est plutôt 39, mais 39, pardon, on y est presque. Donc c'est effectivement l'un des résultats les plus populaires de Kelvin, peut-être. 34 même, allez, pour faire tout à fait. Voilà. Et donc c'est en 1887 que Kelvin énonce que l'angle que forme une perturbation qui se déplace à la surface de l'eau est indépendant de sa vitesse. Voilà. Et ça, c'est assez remarquable, parce que on connaît le sillage de Mach, qui est le sillage des ondes sonores derrière un avion, par exemple. Voilà. On sait que pour un avion supersonique, cet angle dépend fortement de la vitesse, dans le cône de Mach, cet angle se comporte comme l'inverse de la vitesse. Voilà. Oui. Et donc, le résultat de Kelvin, l'angle constant du sillage des bateaux, eh bien, on y croit pendant plus d'un siècle. C'est-à-dire que, on l'enseigne un peu partout. C'est l'une des pierres fondatrices aussi de l'industrie navale. Jusqu'à ce qu'en 2013, deux chercheurs de l'université d'Orsay, qu'on peut citer, Marc Rabot et Frédéric Moisy, publient une étude, qu'ils font sur des images de sillage obtenues par Google Earth. Voilà, ouais. Exactement. Et donc là, je reviens sur ce que je disais. Voilà, aujourd'hui, on peut faire de la science en allant sur Google. Voilà, je prends une centaine de photos de sillage. Et je fais de la science de cette manière-là. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Je regarde l'angle. Hein, exactement. Et puis au bout d'un moment, je me dis, oh, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, c'est ça. C'est le résultat. Ils disent voilà que pour des bateaux petits et rapides, hein, l'angle a l'air d'être plus petit que celui prévu par Kelvin. Voilà. Et donc, si on peut dire ça comme ça, cela jette un pavé dans la mare finalement. Qui fera des vagues, bien voilà, évidemment. Qui fera beaucoup de vagues. Et c'est toute une communauté qui est très vexée parce que comment peut-on contester Lord Kelvin, sa théorie, voilà. D'autant plus que ces chercheurs avancent un argument peut-être un petit peu fort, une forte hypothèse pour expliquer les résultats. Et c'est là qu'on se dit, bon, il y a une petite controverse. Essayons de reprendre les calculs et de voir ce qu'il en est. Et les résultats, très brièvement, sont qu'en fait, on peut distinguer deux angles dans le sillage. Il y a l'angle qui contient le sillage, qui lui est l'angle prévu par Kelvin. Hein. Kelvin n'avait rien dit d'autre, que le sillage ne peut pas dépasser un certain angle. Et il y a, voilà, et cet angle est bien constant, hein, donc c'est ce que donnent nos calculs, et il y a un deuxième angle qui est l'angle à l'intérieur du sillage des vagues les plus hautes, hein, et qui est effectivement l'angle que l'on voit sur les photographies de Google Earth. Voilà. Et donc, effectivement, cet angle se comporte bel et bien comme l'avait vu Marc Rabot et Frédéric Moisier. Oui. Alors là encore, pour compléter les choses, si on regarde donc les milieux dans lesquels ça se propage, là les choses sont très très très différentes, puisque dans le cas de Mars, ça a été considéré comme les milieux gazeux, c'est-à-dire c'était l'air. On voit bien que ce sont des aéronefs, et puis on voit bien le fameux bang quand on passe une vitesse critique. Le milieu liquide est un milieu à peu près incompressible, hein. Vous parlez en plus qu'il provoque des vagues de gravitation, hein, de gravité plutôt. Donc là, on va avoir une espèce d'extrapolation d'une certaine manière. Ce qui était absolument visible dans un milieu très très compressible, hein, qu'est le milieu, en plus avec une diminution de l'air selon la colonne d'altitude, hein, d'un seul coup, là, dans ce milieu incompressible qui est le liquide, tiens, il y a du Mars aussi. Voilà, alors la physique est assez différente dans ces deux situations, parce que l'air, donc effectivement compressible, mais est ce qu'on appelle un milieu non dispersif. Oui. Hein, c'est-à-dire que la vitesse des ondes dans l'air ne dépend pas de la longueur d'onde. Hein, donc la longueur d'onde, c'est la distance entre deux crêtes. Voilà. Alors que la surface de l'eau, vis-à-vis des ondes de gravité, est un milieu fortement dispersif, c'est-à-dire que la vitesse des ondes va dépendre beaucoup de leur longueur d'onde. Hein. Donc voilà, imaginez que vous lancez un certain nombre de longueurs d'onde, eh bien, à la surface de l'eau, elles vont se disperser. D'accord ? Et donc, d'où le terme dispersif pour le milieu. Oui, c'est et ça. C'est cette complexité supplémentaire de la surface de l'eau par rapport aux ondes sonores dans l'air qui, justement, vient apporter cette physique de l'angle constant, de l'angle de Kelvin. C'est ça. Alors, évidemment, la vitesse de... dans l'air du son est de 340 mètres secondes. Tout à fait, c'est cet ordre de grandeur. C'est donc 1224, j'ai encore me trompé dans mes calculs, 1224 km/h. Voilà. Alors, essayons de décrire là maintenant ce qui se passe après tout. Bon, on voit que, évidemment, il y a cette petite traînée, ce petit sillage là, qui est une frange découverte. Et essayons de décrire très rapidement, parce qu'après il faudra revenir sur la conclusion que je trouve, moi, magnifique, ce qui se passe dans la bulle d'onde, si je puis dire, d'un véhicule qui est dans l'air. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand est-ce qu'on passe ce seuil de transition qui est le seuil de Mach, par exemple? Voilà, donc pour un avion, s'il se déplace en dessous de la vitesse des ondes qu'il émet, oui. Eh bien, ce qu'on appelle, on est en régime infrasonique. C'est ça. D'accord. Et donc, on va passer voilà, à 340 mètres par seconde au régime supersonique. Et donc, on a peut-être l'habitude avec le Concorde, on entend à ce moment-là une explosion. Parce que vous avez tous les fronts d'onde qui s'ajoutent, hein, toutes ces amplitudes, et qui donnent voilà, ce son très fort du passage en supersonique. Lui, c'est 2200 km à l'heure, voilà, hein, voilà, Concorde. Hein, voilà, c'est très important. C'est très important, mais nous avons aujourd'hui des avions de combat qui vont même à trois fois cette vitesse-là, bien sûr, et encore plus. Donc là, ça s'ajoute, ça forme une bulle, et pof! Voilà, hein, voilà, tout à fait, c'est l'amplitude sèche. Et en plus, il y a une variable continue qui est évidemment la densité de l'air et aussi la chaleur, je suppose. Oui, oui, oui, oui, oui. On disait 340 mètres par seconde, oui, mais voilà, ça. Cela dépend de la densité, donc de l'altitude à laquelle vole l'avion et de la température également. C'est très beau. Vous trouvez ça, là encore, moi je trouve ça très beau, personnellement, d'arriver à découvrir, tiens, quelque chose qui n'était pas faitement acquis. Mais ce que je trouve encore plus beau, c'est les insectes qui marchent sur l'eau. Tout à fait, donc ça, hein, c'est voilà, c'est un autre aspect. Il n'y en a pas que certains qui, bon, enfin bref. Donc, y a des insectes qui marchent sur l'eau. Voilà, voilà. Ça, c'est donc un autre aspect de nos recherches sur les vagues. Et là, je retrouverais bien Pierre-Gilles de Gênes et certains élèves de son école. Alors, absolument, absolument. Donc, je peux le dire, mon directeur, Élie Raphaël, oui, était l'étudiant de Pierre-Gilles de Gênes. Oui. Voilà. Les théories du mouillage de Pierre-Gilles de Gênes nous permettent de comprendre pourquoi, déjà, ces insectes peuvent se poser à la surface de l'eau sans couler. Ça, c'est un premier résultat, c'est la statique. Nous, ce que nous cherchons à comprendre, en collaboration avec des biologistes qui sont à l'IRBI, Institut de Recherche de Biologie de l'Insecte, à Tours, l'équipe de Jérôme Casas, c'est comment est-ce que ces insectes se déplacent maintenant? Comment est-ce qu'ils arrivent à se mettre en mouvement, hein, à transférer de l'impulsion au fluide pour pouvoir avancer? Donc, on peut citer l'exemple du géris, qui est appelé à tort en français araignée d'eau, araignée parce que c'est pas une araignée, c'est, hein, c'est un insecte. Bien sûr, c'est un insecte. Eh bien, on a longtemps cru que c'était grâce justement à la génération d'ondes que l'insecte parvenait à se déplacer. C'est-à-dire, voilà, il donne un coup de patte, ça fait des ondes, et donc l'impulsion qui part dans ces ondes, elle est retransmise à l'insecte dans l'autre sens, en quelque sorte. Et puis, il y a eu beaucoup de nuances et on essaie aujourd'hui d'obtenir des choses quantitatives pour comprendre le comportement des insectes. Alors, évidemment, là, je pourrais vous poser la question qu'on a posée au début. Est-ce que... Je sais que vous, par goût, vous aimez le fondamental, vous aimez la recherche fondamentale. Plus que ça encore, vous avez évidemment chanté les vertus des bases de données et donc des moyens de grande puissance de calcul. Mais vous m'avez fait l'aveu aussi que vous adoriez continuer à être dans l'analytique, c'est-à-dire à résoudre des jolies équations différentielles et intégrales. Hein. Complètement. Vous aimez bien des belles sommes, là, encore. Ouais. Hein. C'est bien ça. L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce domaine, c'est qu'il y avait encore beaucoup de place pour l'analytique. C'est ça. Voilà. Et alors, application? Alors, les applications, bon, à la biologie, évidemment. Donc voilà, donc, on peut revenir sur le côté interdisciplinaire. Oui. Ma collègue évoquait tout à l'heure l'aspect interdisciplinaire de l'enseignement dans l'école, mais oui, je peux aussi renforcer avec l'aspect interdisciplinaire des recherches. Donc, nous organisions l'an dernier une petite journée thématique sur les vagues, et nous étions très heureux de pouvoir accueillir et réunir des mathématiciens, des physiciens, des ingénieurs et des biologistes. Voilà, avec le lien de l'insecte, tous dans la même salle, en train de discuter, tous ensemble pendant une journée. Et ça a été extrêmement productif et extrêmement enrichissant pour tout le monde. Donc en ce sens, je pense que c'est beaucoup à l'interface entre les différents domaines que s'effectue la meilleure des recherches, parce que c'est là que chacun peut apporter le plus à l'autre. Alors là, je vais vous prendre d'une certaine façon au déboté, l'un et l'autre, parce que je vais prendre un exemple. J'avais lancé un jeu une fois où il y avait un certain nombre de physiciens qui étaient tous des physiciens des hautes énergies, et il y a assez longtemps, et évidemment maintenant on le voit venir, hein, pour sa réponse, Jean Iliopoulos, où j'avais posé, je leur avais dit, quelle question vous aimeriez poser à ce dieu théorique avec lequel s'amusait Einstein quand il disait Dieu ne joue pas au dé, et qu'il était contre donc l'indéterminisme, dit indéterminisme dans la mécanique quantique, qui s'est disputé beaucoup avec Niels Bohr. Et Iliopoulos a répondu, je lui demanderais, explique-moi comment on obtient de la masse. Bon, c'était sa grande question de physicien théoricien, c'était la belle chose. Est-ce que il y a une idée dans vos disciplines qui vous tient à cœur, qui comme ça, voilà, je vous prends vraiment au déboté, mais est-ce que vous avez une imagination, là encore, qui fonctionne, en disant, je sais pas, par exemple, si je prends votre exemple, Claire, oui, Viard, vous aimeriez trouver quelle réponse à quoi ? Il y a une question auquel personnellement, moi, je répondrais pas, je pense, mais qui m'intrigue beaucoup, qui est en fait on en discute souvent avec des amis, mais qui est de comprendre en fait comment émerge la conscience. Ah. Il y a Lionel Nakache qui travaille là-dessus à l'ICM. Et oui. Mais c'est vrai que c'est quand on travaille sur différents types d'animaux et quand on regarde l'homme aussi, on se dit, on essaie de comprendre comment on va de l'activité de neurones entre eux qui forment des petites boucles simples qui vont se dire juste go, no go, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, oui. Et basé sur l'information qu'ils obtiennent de l'extérieur et puis l'information aussi, donc on a parlé du corps. Et effectivement, il y a une transition vers des états où tout d'un coup, quand on a une grande population de neurones, on est capable d'émerger avec une conscience de soi. Et c'est vrai que c'est pas une question que je me sens moi-même d'attaque pour aborder tout de suite, mais je suis vraiment intriguée et admirative du travail des chercheurs et neurobiologistes et médecins qui s'adressent, qui posent cette question-là. Ouais. Je pense qu'elle est assez fondamentale et on a peut-être un petit espoir quand même. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut lui donner son nom complet, hein. C'est plutôt de la neurobiologie cognitive. Voilà. Voilà. Et en particulier pour savoir si effectivement, alors cela dit, on a le cerveau lent, hein, parce que les mécanismes neuronaux qui fonctionnent en dessous, d'après de Haine et Nakache, ça travaille beaucoup. Et quand il faut avoir une attitude réflexive, là, le cerveau il décide d'une chose, mais alors c'est très lent. Donc on a le cerveau lent. Il n'y a pas de mots. Même question, hein, Elisabeth Bouchot. Vous rêvez à quoi, vous? Juste pour finir, il nous reste 2 minutes, même pas 2 minutes. Moi, je trouve que, au fond, la question que pose Claire, qui est relative au fonctionnement du cerveau, on a envie de se la poser dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui, dans un système, finalement, dont les interactions sont simples, mais où il y a beaucoup de composants, qu'est-ce qui émerge comme comportement à une échelle macroscopique, et comment on peut rendre compte de ça dans beaucoup de domaines, et dans le domaine de la science des matériaux, c'est aussi un problème qui se pose, peut-être moins fascinant pour le grand public, mais qui me passionne aussi. Alors, idem, est-ce que... Figurez-vous, je vais rester un petit peu même sur la même idée. Oui. Relié un peu de loin, mais il se trouve que nos insectes, souvent, ont des comportements et on comprend pas bien pourquoi, et on doit réfléchir à quelle est l'expérience à mettre en œuvre pour comprendre, parce que voilà, on peut pas leur demander ce qu'ils ont à l'esprit quand ils font telle ou telle chose. Donc voilà, on pense par exemple à la géolocalisation et des choses comme ça, et donc c'est un peu de magnétite, hein, enfin c'est pas tout à fait sûr encore. Non, du tout. Non, mais ils ont des malices, hein, mais ils ont un peu de magnétite, enfin pour certains. Mais écoutez, merci. La semaine, évidemment, va continuer. Nous avons, nous, fait notre rendez-vous de prospective, d'une certaine manière, sur les idées. Merci à Elisabeth Bouchot, merci à Claire Viard, merci à Michael Benzakem d'être venu à ce même micro. C'était Continent Science. Merci à tout le monde, en tout cas, pour votre attention et votre fidélité. Vos remarques et vos critiques restent les bienvenues. Jean-Guy Lamège a mis cette émission en onde. Pour la documentation, bien sûr, c'était Henri Leblanc. Pour la réalisation, bien sûr encore, c'était Danny Journeau. Stéphane Deligeorge, Continent Science et Balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous reportez au site internet franceculture.fr. Continent Science, donc, est téléchargeable pendant une grande année.